Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Julien Vidal. Je fais voyager les gens en 2030 glorieuses depuis plus de 5 ans maintenant, notamment avec le podcast qui a été créé en 2020 et ça ne nous rajeunit pas. Et un atelier aujourd'hui de libération des imaginaires qui a plus de 400 personnes aujourd'hui qui sont formées à animer des voyages en 2030 glorieuses. 400 personnes, on pourrait se dire que ça fait beaucoup. Et en réalité, on n'en a que deux dans le Nord. Moi qui pensais que le Nord était hyper militant, engagé, très en avance, hein, même avant-gardiste sur ces questions, je me pose la question, moi justement, de savoir où est-ce qu'on a loupé notre communication 2030 glorieuse, ou jusqu'à quel point les utopies ont percé dans le Nord. Donc c'est un petit appel du pied que je vous fais au passage, et qui vous dit à quel point aujourd'hui, voyager en 2030 glorieuse, c'est un exercice qu'on va faire ensemble là pendant 45 minutes, mais c'est aussi et surtout une manière d'avoir de nouvelles conversations, puisque peut-être que vous vous êtes un moment déjà retrouvé dans cette situation où vous aviez envie d'apporter quelque chose à quelqu'un sur ces sujets qui vous touchent, sur ces valeurs que vous portez au quotidien, que vous voulez défendre, et puis encore et encore vous retrouver dans les mêmes impasses, à trébucher sur les mêmes obstacles, et puis finalement à terminer la conversation en non seulement ayant l'impression que personne n'avait gagné, mais qu'en plus tout le monde avait perdu. Et que les 2030 glorieuses, elles sont ce territoire un peu neutre, un peu vierge, mais quand même un peu connoté aussi, qui permet de se décentrer et d'avoir des conversations qui nous permettent de sortir des cases, de sortir des étiquettes et de se poser la question de pourquoi on est. Puisque aujourd'hui, en 2024, j'ai l'impression qu'on se limite à être beaucoup contre et qu'on a un peu oublié le pouvoir d'être pour. Et donc, dans le podcast 2030 glorieuses, j'ai mené plus de 100 interviews pour parler justement à celles et ceux qui sont pour, notamment avec des casquettes métiers. Et je vous présente donc Laura Jane Gauthier, qui a été l'épisode numéro 3 de Mémoire, mais il faudra regarder, j'aurais dû préparer ça, mince. Journaliste à impact, Marie Petit, qui est professeure en nature, et Alice Longuépée, qui est banquière itinérante à la Nef. Je vais vous donner la parole, pour que vous puissiez vous présenter, mais je suis très content vraiment, et je vous le redis, de vous avoir ici pendant ces 45 minutes un peu statiques, ne vous endormez pas, mais on va faire ce voyage en 2030 glorieuse, qui est important, puisque ça permet aussi de mesurer, et je trouve que de temps en temps de se retrouver, en tout cas ça a été la vertu des précédentes rencontres à Lille, à Lyon et à Paris, c'était de se rendre compte que finalement, même si parfois le temps passe et qu'on a l'impression que ça s'aggrave autour de nous, qu'en réalité il y a beaucoup de chemin parcouru et qu'on est plus que ce qu'on pense aller dans le bon sens. Au passage, aujourd'hui, j'ai lu dans une interview qu'il y avait plus de végétariens en France que de chasseurs. Est-ce que vous auriez dit ça ? À votre avis, il y a plus de végétariens, enfin, combien de fois plus, 2, 3, 4, 10, 30 fois de végétariens que de chasseurs ? 3 fois, ouais, c'est exactement ça. On est 3 fois plus nombreux que les chasseurs, les végétariens, je parle parce que ça fait plus de 15 ans maintenant que je suis végétarien, et je me suis dit qu'on n'avait pas, nous, de syndicats qui défendaient les végétariens, qu'on n'était pas reçus par Emmanuel Macron de temps en temps, nous, les végétariens, et que de temps en temps, des partis politiques n'allaient pas chercher nos voix à nous, les végétariens. Peut-être parce qu'on ne sait pas suffisamment se compter ou se raconter. Est-ce qu'il existe des végétariens chasseurs ? Je pense que ça se croise dans sa tête, hein, les fils se croisent. Il y a un truc. Il relâche le sanglier mort ? Comment ça marche ? Allez, on arrête, ça y est, j'ai commencé à dire des bêtises. Et donc, je vous demande, s'il vous plaît, de prendre le micro. On va commencer par toi, Alice, qui a envie de dire des bêtises. Est-ce que tu peux te présenter, nous raconter ce que tu fais avec cette touche des 2030 Glorieuses et nous raconter quelle place ton métier a en 2030 Glorieuses aujourd'hui, en 2024? Bonjour à tous. Donc, je suis Alice. Je suis banquière itinérante à la Nef. Est-ce que certains de vous connaissent la Nef déjà? Ouh, beau public, sympa. Donc la Nef, c'est une coopérative financière qui existe depuis 1988. Elle a existé avant sous statut associatif, mais la réglementation bancaire est tellement stricte, étriquée, tant mieux parce qu'en tant qu'épargnant, on est protégé. Mais on est passé en coopérative en 1988. Donc ça fait plus de 34 ans, 36 ans maintenant qu'on finance. Le principe est tout simple, on a des citoyens d'un côté qui collectent un petit peu d'épargne à la Nef. Et moi, j'utilise cet argent sur la région des Hauts-de-France pour financer des projets qui permettront la transition de demain, donc de se projeter en 2030 glorieuse, des projets assez atypiques, alternatifs, souvent précurseurs. Donc ça m'a fait grandir, moi, de travailler à la Nef depuis maintenant 11 ans. Et j'en dirai plus tout à l'heure, certainement. Pour que ça parle à tout le monde, est-ce que tu peux nous citer quelques exemples très concrets de projets lillois emblématiques qui ont été financés par toi, littéralement, par tes propres deniers, bien sûr? Tout à fait. Alors, il y a la liste des financements. J'en ai mis quelques-uns ici que vous pouvez retrouver sur le site internet. Mais c'est une de nos prérogatives d'être totalement transparent quand vous placez de l'argent à la Nef. Vous savez à quoi ça sert. Donc, des projets emblématiques, je peux citer par exemple Jean Bouteille, pour ceux qui vont dans les magasins Biocoop et qui reviennent à la consigne bouteille. Ramène ta bouteille au la consigne, si on est toujours dans ce milieu-là. Croque la vie, pour les repas bio pour les bébés dans les crèches. Pas mal de crèches inclusives. Des cafés-cantines comme le Polder, la Moulinette, le Toc Ici, des enfants terribles, tiers-lieux. Qu'est-ce que je peux citer encore? Après, au niveau national un peu plus connu, la marque Veja, qui nous a fait confiance et à qui on a fait confiance depuis le démarrage. On avait aussi Ma Petite Planète, merci, effectivement, et Énergique ici sur le territoire, qui est aussi une application qui permet de challenger les salariés et leur donner des bons gestes pour des gestes responsables. Donc, on a plein de beaux projets financés. Ouais, c'est chouette, hein. Des agriculteurs bio, beaucoup de biocoop, des magasins vrac, du recyclage, des bureaux d'études, des énergies renouvelables, enfin, toute une panoplie de projets. Moi, à chaque fois que je finance un projet, que j'ai un accord, je suis trop contente parce que c'est une victoire sur le monde de demain, donc qu'on continue. Ouais, la vie est plus belle grâce à tous ces projets, et rien que pour ça, ouais, bravo. Merci. On continue avec toi, Marie. Marie, à l'époque, tu étais directrice d'école quand on s'est parlé dans le podcast. Raconte-nous pourquoi ça vaut encore le coup de dire que tu es prof en nature, ou est-ce que, en fait, c'est plus du tout un intitulé d'actualité aujourd'hui en 2024? T'as trop bien parlé, du coup, je suis un peu stressée. J'ai oublié la question, Julien. Est-ce que tu es encore prof en nature en 2024, ou est-ce que ça a changé, ou comment tu te présenterais? Alors, je suis prof de prof en nature maintenant. Donc quand on a enregistré le podcast, c'était en 2020, j'étais directrice d'une école maternelle à côté de Valenciennes, et je faisais classe en forêt avec mes élèves de 4 et 5 ans. Suite à cela, j'ai demandé ma mutation pour aller faire classe dehors, pas près d'une forêt. En fait. Et ensuite, j'ai demandé ma disponibilité pour aller répondre à la demande de formation école dehors. Donc aujourd'hui, je suis formatrice école dehors pour aider des enseignants à aller enseigner en forêt, à enseigner aussi dans leurs cours de récréation, tout simplement. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, Julien, mais dans le podcast, quand on est parti en 2030, j'imaginais des élèves jouer dans leurs cours de récré et je rêvais qu'elles soient végétalisées. Pour l'instant, elles ne le sont pas, et c'est très important pour moi de former des enseignants à faire classe dans leurs cours de récréation, parce que j'ai envie de créer un besoin de végétalisation des cours. Il faut déjà, avant d'avoir le besoin, il faut enseigner et voir un petit peu les limites de la cour goudronnée, et pas aller seulement enseigner en forêt, sinon il n'y aurait que 5% des écoles et donc des élèves qui pourraient bénéficier de l'école dehors en forêt. Et donc là, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont devant moi, mais aussi qui nous écoutent à travers le podcast et qui se disent « Mais attends, moi je connais des profs » ou qui se disent « Mais moi j'ai envie que mon enfant il soit dans une école qui permette de faire ça. » Qu'est-ce que tu leur recommandes? D'aller directement sur ton site, Les Petits Écolos, ou de passer par ton Instagram? On te contacte directement, tu arrives avec ta baguette magique, avec tes outils, comment tu fais? Alors oui, bah, le mieux c'est toujours de me contacter en direct, mais aujourd'hui j'ai la chance aussi d'avoir écrit un livre qui s'appelle « Élever en plein air ». Et en fait, il y a l'Institut de formation pédagogique de Lille qui m'a contactée. Je suis formatrice pour eux, donc j'interviens dans tous les Hauts-de-France comme ça. C'est financé en fait par l'IFP. Et donc, en fait, ce qui me permet de pouvoir intervenir dans toutes les écoles privées de France, et en fait, on s'arrange comme ça. C'est pas les écoles qui me financent en tant qu'auto-entrepreneuse, voilà. Et pour les écoles publiques, ben, je vous expliquerai quand vous viendrez me contacter, mais je peux vous dire qu'il y a toujours des moyens, via un projet, de venir rémunérer ma prestation. Donc, en fait, n'importe quel enseignant qui a envie de se lancer peut... me faire coucou. Il n'y a pas que moi en fait. Hein. Moi en ce moment avec le côté bouquin et donc le statut auteur qui va avec, on me fait intervenir beaucoup grâce au Pass Culture par exemple. Et ça j'ai l'impression que ça ne coûte pas trop grand chose aux établissements. Ça peut être aussi une piste. Peut-être. Toi qui es autrice. Je ne connais pas. On continuera à explorer ces sujets tout à l'heure Marie. Et là je donne la parole à Laura Jane qui est la dernière des trois de cette fabuleuse Dream Team. Je suis très très heureux de vous donner la parole à toutes les trois. Laura Jane, à l'époque où on s'était parlé dans ton petit appartement parisien sous les toits, je me rappelle très bien de l'endroit où on avait fait cette interview. Tu étais journaliste à Impact. Oui. En général, quand il y avait une conférence à Paris avec des gens proches du milieu associatif USS, c'est toi qui modérais. Tu avais ton podcast Supplément d'âme qui cartonnait. Est-ce que tu réponds la même chose aujourd'hui en 2024? Est-ce que tu es journaliste à Impact? Alors oui, c'est marrant parce que j'utilise plus cette terminologie de dire impact, mais je suis toujours journaliste, mais toujours impact d'une certaine manière. C'est juste que je me nomme plus comme ça. J'ai toujours Supplément d'âme. J'ai fait un gros break pour des raisons personnelles que je vais évoquer plus tard, et je me suis questionnée à reprendre ou pas. Et finalement, je reprends à la radio en collaboration avec une radio parisienne qui s'appelle Vivre FM, qui est une super radio associative, à la base spécialisée sur les sujets de handicap et maintenant plus globalement à tous les sujets qui nous concernent aussi de transition. Donc je reprends là, j'étais littéralement hier en train d'enregistrer les premiers épisodes dans le studio à Paris. Supplément d'âme, donc c'est un podcast dans lequel j'interview des personnes engagées, des activistes, des artistes qui mettent leur notoriété au service de causes. Et la spécificité, c'est que je m'intéresse bien évidemment à ce qu'ils font et les causes qu'ils défendent, mais finalement, assez peu, je m'y intéresse vraiment, mais ça vient plutôt en toute fin d'épisode. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est leur parcours de vie. C'est bien souvent, même si ce n'était pas mon idée initiale, mais ça s'est manifesté comme ça, leur trauma. Parce qu'en fait, l'environnement est un peu différent de ça, mais pour énormément de causes, particulièrement le féminisme, les questions raciales, etc. En fait, ce qui amène à vraiment s'engager, c'est bien souvent des énormes traumas. Et donc, du coup, moi, je suis passionnée de psychologie depuis toujours et je m'intéresse vraiment, je fais un petit peu, sans me prendre pour je sais pas qui, mais un peu de la maïeutique. C'est-à-dire que vraiment, autant pour d'autres, tu parlais de conférences, j'anime des conférences. Pour les conférences, je suis une bonne élève, j'écris mes questions à l'avance, etc. Pour le supplément d'âme, je pose toujours la même question, c'est raconte-moi ta vie. Et en fait, j'ai pas de questions. Et en fait on déroule ensemble de manière naturelle et intuitive la vie de la personne et très souvent, enfin je dis souvent pour rigoler mais c'est vrai que je pleure une fois sur deux avec mes invités en podcast parce qu'en fait ils me racontent des choses très très lourdes, très très difficiles de leur histoire de vie et c'est trop beau, voilà. Et j'écris des livres aussi à côté de ça. Il y a 5 ans en arrière, je n'avais pas l'impression que... Ou en tout cas, peut-être que tu disais journaliste impact parce que c'était quand même quelque chose d'assez rare. J'essaie de repenser, depuis que j'avais envie de te poser cette question, à celles et ceux qui auraient pu être qualifiés de journaliste impact il y a 5 ans en arrière. Je pense à Anne-Sophie Novel. J'en ai pas beaucoup en tête, en fait. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être pas beaucoup plus, mais qu'elles sont peut-être aussi beaucoup plus visibles. Je pense notamment à Salomé Sacca, à Paloma Moritz, qui sera dans le podcast 2030 Glorieuse dans quelques semaines. D'ailleurs, je l'ai interviewé il n'y a pas longtemps. Une ancienne collègue, Paloma. Ouais. Et je me pose la question de savoir si c'est aussi pour ça que tu as un peu abandonné l'idée de dire que tu es journaliste impact? Il y a peut-être moins besoin de... En fait, déjà, je pense qu'aujourd'hui, le mot impact me parle moins que ça me parlait il y a 5 ans. Je trouve que ça fait un côté Startup Nation qui me dérange un tout petit peu aujourd'hui. Et je dirais que... Je sais pas... ouais, je suis d'accord, il n'y a pas forcément beaucoup plus de journalistes, mais... Je suis d'accord qu'ils sont plus visibles, mais je pense que moi je dis journaliste engagé pour faire comprendre très rapidement un peu mon prisme. Voilà. Donc finalement, tu es comme Pascal Pro, journaliste engagé. Exactement, c'est mon meilleur ami. Je suis vraiment un salaud. Je ne suis pas sûr qu'il se présente comme ça. Dites-moi, et là je vous laisse répondre dans l'ordre que vous le souhaitez. Dites-moi, là, si jamais... vous repensez aux 5 ans qui viennent de s'écouler et que vous avez peut-être encore en tête cette vision des 2030 glorieuses que vous portiez à l'époque. Pourquoi, d'une certaine manière, vous avez réussi à aller vers cette vision? Est-ce qu'il y a des succès que vous voulez nous partager? Vas-y Marie, on t'écoute. C'est ce que je te disais avant qu'on démarre le podcast, quand on prenait des nouvelles l'un et l'autre. Il s'est presque écoulé 5 ans maintenant, donc on est à mi-chemin entre 2020 et 2030. Et je me réjouis de me dire, il y a 5 ans qui se sont écoulés, et finalement, je crois que je suis allée bien plus loin que la moitié de mes rêves, là où je m'étais projetée en 2030. J'ai largement fait la moitié, et je suis venue aussi pour te remercier, parce que le fait de se projeter, en fait, en 2030, quand on est en 2020, on a l'impression que c'est super loin. Et en fait, quand on se projette, dans le podcast de Julien, on parle au présent. On est en 2030, il y a la petite musique qui va bien, et ensuite on est en 2030 et on parle au présent. Le fait de faire ça, c'est extrêmement puissant pour le cerveau, parce que finalement, on s'écoute parler, et en plus après on peut réécouter son propre podcast, pour se dire aussi à un moment donné, je vais m'écouter comme un auditeur, une auditrice, et en fait, pourquoi j'attends? Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de faire en sorte que mes rêves deviennent réels? Et en s'écoutant, on n'a pas besoin d'attendre 2030 pour réaliser. Il suffit peut-être d'écrire son rêve, de s'imaginer des marches d'escalier et de se dire « je vais commencer par là, je vais commencer par sortir un peu plus, je vais commencer par parler de ce que je fais sur les réseaux, je vais commencer par dire que c'est OK pour moi de donner des conférences à ce sujet. » Et ensuite, tac, tac, tac, les 3-4 premières marches, c'est un peu peut-être plus galère, et puis d'un seul coup, il se passe quelque chose d'un peu magique. Quand on est au bon endroit et au bon moment, tout devient assez simple. Donc moi, j'ai l'impression aujourd'hui, en formant des équipes, de réaliser mon rêve. Parce qu'avant, j'avais une classe de 25 personnes. Aujourd'hui, je forme 170 profs par an qui ont eux-mêmes 25 à 30 élèves. Et donc, l'impact, il est énorme. Et 2030 glorieuse, le podcast m'a permis de croire en mes rêves et de les réaliser, de les manifester. Donc merci. Merci Julia. Marie, c'est vraiment sympa comme témoignage. Alors Jane, je te vois hocher de la tête, un peu pensive. Est-ce que tu as envie de rebondir? Non, ça me faisait réfléchir à qu'est-ce que j'ai fait moi depuis 5 ans. Je vous ai dit que j'allais parler de mes événements perso à un moment donné, parce qu'en fait, moi, c'est beaucoup du perso qui s'est passé en 5 ans. Alors, je vais plomber un peu l'ambiance, je m'excuse, mais moi, j'ai eu entre 2020 et 2021 2 ans extrêmement compliqués où ma mère est tombée malade, gravement malade. Elle est décédée fin 2020, elle a eu un cancer généralisé. Et quelques mois après la mort de ma mère, mon père a lui aussi déclaré un cancer. Donc il va très bien aujourd'hui, il est en rémission, mais j'ai eu quand même 2 années extrêmement compliquées. Mon grand-père est mort du même cancer que ma mère 10 mois plus tard, donc c'était la loi des séries. Avant, je pensais que c'était perdre son téléphone et ses clés, et ben là, c'était pas exactement la même loi des séries. Donc c'est marrant parce que je réfléchissais à ce que j'allais vous dire et je me disais que moi, mon dada, c'est vraiment l'intime, c'est vraiment, comme je vous le disais, m'asseoir avec les gens pour qu'ils me racontent leur vie, et la vie, moi, m'a amené à être dans mon intime à moi et à gérer quand même pas mal de choses. Et en même temps, tu parlais de vivre ses rêves. Ah, je me doute, hein, je suis sûre que tout le monde en a. Mais tu parlais de vivre ses rêves et tu disais que c'était facile. Je suis à la fois complètement d'accord, et en tout cas moi, à échelle personnelle, c'est pas toujours si facile. Je vois bien que j'ai quand même un certain nombre de blocages, et la mort, moi, m'a vachement aidée à lever des blocages en me rappelant, c'est très bateau, hein, mais que la vie est quand même très courte et qu'on ne sait finalement pas tant que ça quand est-ce qu'on va quitter cette planète. Donc ça m'a aussi vachement réveillée. Il y a aussi quand même des cadeaux dans les épreuves. Et donc j'ai quand même vécu je dirais que ça me booste. Là, je viens d'être maman aussi, j'ai une petite fille de 10 mois. Et donc, il y a eu des gros événements de vie. Là, je suis en train de créer, de travailler à la création d'un média en ligne qui va très certainement voir le jour, je ne sais pas si dans 6 mois, 1 an, mais je suis en grosse préparation. Et dans lequel, je crois que pour la première fois, je m'autorise finalement vraiment à m'écouter pleinement et aller vers mes rêves. Et ce sera en lien avec la thérapie, justement. Tu parlais de vivre ses rêves et moi, j'en suis là dans mes rêves. Alice. Eh bien, côté nef, du coup, je parle plus, moi, d'un travail d'équipe, parce que j'appartiens forcément à une coopérative, donc c'est une belle équipe, on est tous, on va tous dans le même sens, et en tout cas, depuis 2020, nous, on a eu la chance de faire un long et douloureux chemin, mais qui nous a amené vers notre autonomie. Donc ça, c'était la très bonne nouvelle de septembre. En fait, depuis 1988 qu'on existait, c'était une autre banque qui nous prêtait son agrément bancaire. On était trop petits pour, vis-à-vis des autorités, avoir notre autonomie. Et en mai 2022, on a fait voter lors de notre assemblée générale et nos sociétaires ont dit « Oui, on veut que vous soyez une banque autonome !» Donc ça a été un long chemin, ce que je disais, puisqu'on s'est heurté à la Banque Centrale Européenne, c'est des gens très très très sérieux, à la CPR, l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation, donc on dit on rigole pas, mais au bout de 2 ans d'échanges, d'aller-retour sur les dossiers, on a eu le tampon final là, au mois de septembre, donc pour vous dire qu'on est tous en pleine plénitude à la nef en ce moment, puisqu'on devient officiellement la première banque éthique et autonome de France. Donc sacré chemin pour la nef, effectivement, depuis la dernière fois. Donc ça veut dire qu'on a passé la seconde, que maintenant tout est ouvert devant nous, puisqu'on est maître de nos propres décisions. Nos sociétaires, nos clients sont maîtres de toutes les décisions, donc c'est super chouette. Et moi, à titre perso, suite à cette rencontre aussi, aux 2030 Glorieuses, ça permet de se recentrer un peu. Et j'ai entrepris une formation en 2023 qui a duré un an. Alors, c'était une à deux journées par mois, chacun à son rythme, sur tous les nouveaux modèles économiques. Je fais un petit clin d'œil à Jean-Sébastien là-bas, qui connaît ça aussi. Ça te permet, alors en tant que banquière, t'imagines, t'es enfermée dans un cadre un peu financier, pas du tout rigolo, et là, ça t'ouvre complètement tes chakras pour te montrer qu'il existe plein d'autres façons de penser l'économie. On a une économie robuste qu'on nous impose aujourd'hui, faire du volume, gagner toujours plus, travailler plus pour gagner plus, pour faire... Enfin, on est enfermé un peu dans ça. Et on se rend compte qu'il y a plein de choses complètement différentes. L'économie participative, l'économie de la fonctionnalité, l'économie circulaire, des termes qu'on entend un petit peu autour de nous. Mais j'ai été déformée pour être mieux formée et ça a été un très beau voyage. Proposition de nouvelle formation pour 2025, le stand-up, je pense que tu as vraiment un truc à tirer là-dedans. Le stand-up, parler de la finance en rigolant. Les nouveaux modèles économiques, je crois qu'il y a un filon, il y a un truc, mais je te laisse le maturer, il faut que ce soit ton choix à toi. J'ai l'impression, depuis que je donne la parole à des personnes comme ça, avec un pas mal d'années d'écart, et vous me le confirmez un peu... au moins un peu dans le début de vos témoignages, qu'il y a vraiment une évolution de l'individu vers le collectif. Marie de WeDressFair, à qui j'ai donné la parole, qu'on voit sur le rapport qui est sur notre table en palette, puisque vraiment on est dans un lieu associatif, donc il y a forcément une table en palette. Et donc Marie, elle nous racontait comment, en fait, avec WeDressFair, qui est une marque hyper engagée, un marketplace, on dit comme ça, je crois, en ligne, et puis en fait, ils ont tout un travail aussi de pédagogie sur la mode, c'est hyper bien fait, je vous invite à le regarder, rien que pour l'aspect pédagogique, ça vaut vraiment le coup. Elle nous racontait à l'époque, pendant l'épisode du podcast, que eux, ils avaient fait cet élan vers le collectif, notamment à travers des collectifs comme En Mode Climat, des choses comme ça, pour faire en sorte d'être plus forts ensemble. J'ai l'impression que toi, dans ce que tu me racontais, Marie, à ce côté, en fait, moi j'avais envie d'aller vers les personnes qui ensuite sont directement en lien avec les élèves et donc faire collectif. La NEF, et ça serait aussi peut-être quelque chose à creuser, et fait partie des licornes notamment, hein, des collectifs qui essayent de montrer qu'il y a d'autres choses que la Startup Nation. Est-ce que toi aussi, avec ton projet de média, il y avait un peu quelque chose derrière cette idée de collectif, Laura Jane, et on enchaîne, si vous voulez bien, toutes les trois sur parfois un peu cette évolution, elle nous fait aller vers le collectif. Sinon, je pense aussi au livre que tu avais fait il y a 2 ans, Le Feu ou Rien, où tu avais été co-autrice, là en l'occurrence, d'un témoignage, un manifeste militant assez fort que tu n'avais pas fait toute seule aussi, du coup. Bah, j'ai l'impression que quand on est journaliste, c'est forcément collectif, puisque à moins de raconter sa vie solo, ce qui n'est pas vraiment du journalisme, on va interviewer des gens. Donc voilà. Après, le média que je suis en train de créer, il n'est pas particulièrement participatif au sens de venez interviewer des gens avec moi, mais ça peut changer d'ailleurs, ça peut être une idée. Donc voilà, je passe à répondre à la question, mais... Et Le Feu ou Rien, bah évidemment, je l'ai co-écrit avec un co-auteur. Donc. Et on est allé interviewer, c'était une sorte d'essai politique, ça fait très pompeux, mais en gros, on questionnait la jeune génération engagée, et l'idée, c'était d'essayer de voir si, fondamentalement, notre génération était plus engagée que la précédente ou les précédentes. On ne peut pas répondre de manière simple à cette question, breaking news. Et ensuite, on interrogeait des activistes sur des sujets extrêmement précis. Voilà. Donc oui, forcément, il y a du collaboratif, c'est évident. Marie, tu veux continuer un peu sur cette notion du collectif? Comment tu es reçue par les profs? Est-ce que tu sens à quel point tu es pertinente quand tu vas justement dans ces événements? Tu étais à Toulouse, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques jours où on t'a reçue pour... Hier. Hier. Je suis rentrée quelques heures. Je suis rentrée cette nuit. Ah bah, moi, forcément, la notion du collectif, ça me parle. Mon premier livre, c'est « Colibri et après ». J'ai commencé toute seule à faire un peu du zéro déchet voilà, dans ma cuisine, puis à recevoir un peu les gens chez moi pour leur montrer comment on faisait des produits. Et en fait, très vite, j'ai tourné en rond dans mon bocal. Il a fallu sauter vers quelque chose de plus grand. Et donc Colibri, et après, c'était un livre pour montrer comment passer du tout seul au collectif. Et après, j'avoue, pour arrêter de raconter des trucs un peu bisounours et parler un peu de mes traumas, moi aussi. Je me suis sentie, à un moment donné, en perte de vitesse, toute seule. Et surtout qu'il y a eu un moment où je ne sais pas ce qui s'est passé. Les écolos eux-mêmes sont devenus anti-colibri. Alors, j'ai senti cette vague de « non, mais le zéro déchet, ça ne suffit pas. Tout seul chez vous, ça ne suffit pas. » Et je me suis vraiment sentie toute seule. Hein. Personne ne m'a tiré dessus, attaquée. En fait, je me suis dit, mais moi, je sors mon livre, il s'appelle Colibri, et après, vous êtes en train de dire que ça ne sert à rien. Et je me sentais trop mal. Donc, vous savez quoi? J'ai arrêté le zéro déchet. Voilà. Merci, les écolos. Maintenant, je refais des déchets plastiques. Non, mais j'étais un peu en colère, parce que je me disais, mais mince, en fait, il faut commencer par quelque part avant de rejoindre un collectif. C'est vrai que... Les animaux qui meurent sur la banquise, c'est pas là tout près. Et donc il faut bien qu'on y trouve un intérêt intrinsèque, j'ai envie de dire, quelque chose qui nous porte fondamentalement. Et je pense qu'il faut essayer de pas s'éparpiller partout. Il faut trouver, on a tous quelque chose en nous à apporter pour 2030, mais déjà pour 2024. Et si on trouve la bonne énergie en nous, il y a forcément quelque chose. Alors, le monde nous attend quelque part. Moi, j'aimerais aussi manifester, faire du zéro déchet et tout ça et tout ça et tout ça. Mais en fait, c'est tout. Il faut choisir un cheval de bataille. Et moi, c'est l'école dehors. Et j'ai concentré toute mon énergie là-dessus. Je suis aussi devenue végétarienne et j'ai aussi placé mon argent à la nef. Et j'ai arrêté de prendre l'avion, mais je fais des déchets. Je me suis concentrée toute mon énergie sur l'école dehors et je pense que chacun d'entre nous peut apporter sa pierre à l'édifice. Et si on est au bon endroit, ce que je disais tout à l'heure, alors il se passe un peu quelque chose de magique et on va attirer à nous des personnes qui ont besoin de nous. Il y a vraiment un truc, hein, le Greenwashing Comedy Club, vous en avez déjà entendu parler? Franchement, il y a un truc. Donc là, on fait un petit spectacle après, au Sébastopol, 21h, et on va beaucoup rire. Alice, est-ce que tu peux nous parler justement de ces fameuses licornes et comment tu as le sentiment que la nef, elle s'est aussi sentie parfois peut-être limitée, démunie, et collectivement essaye de militer pour cet autre modèle, cette alternative à la Startup Nation? On avait essayé, on a eu un projet qui est tombé à l'eau, mais on avait rêvé de la Banque européenne éthique. Qui s'est pas fait pour plein de raisons. Après plusieurs années de batailles, de discussions avec les autres banques éthiques d'autres pays, il en existe un peu partout, hein, la Banca Etica, Triodos, la GLSL Bank, enfin il y en a dans tous les pays. Et on s'est dit, on serait plus fort si on se réunit, on arrive à créer un collectif. Ça n'a pas abouti pour des questions purement juridico-pratiques, réglementaires. Enfin, c'est toujours le mur qui s'opposait à nous. Donc on a revu un peu les choses et on s'est dit, en France, il y a plein d'autres coopératives qui sont dans le même mouvement que nous, c'est-à-dire vouloir changer le monde. Nous, la Nef, on a juste la prétention d'être un outil. On apporte juste l'argent grâce à nos épargnants. Merci Marie. On a de l'argent et on l'apporte à tous ces entrepreneurs finalement qui bâtissent le monde de demain, qui ont cette prétention, qui ont cet espoir de encore pouvoir changer le monde. Donc on a créé, alors je dis on, c'est une fois de plus tous ces acteurs-là qui se sont mis autour de la table, mais des licornes avec deux os pour faire le petit clin d'œil aux coopératives, où on retrouve Enercop, où on retrouve Télécop, Cities, l'autopartage. Dans nos actions de la vie de tous les jours, il faut savoir qu'il y a une alternative coopérative qui permet de faire les choses différemment. Mobicop pour le covoiturage. Mobicop, c'est la téléphonie. Télécop, la téléphonie. Ouais, Télécop. Enfin, vous pouvez aller voir sur le site internet. Plus d'une quinzaine maintenant. Et on est beaucoup plus forts tous ensemble, effectivement, parce qu'on mutualise, on essaye de se faire connaître à plusieurs et pas tout seul isolé. Donc ça, c'est au point de vue plutôt général de la Nef. Moi, dans mon métier, je l'applique tous les jours. C'est vrai. Mais je suis toute bête, toute seule derrière mon bureau quand je suis en one shot avec un client. Donc je préfère réserver une salle de réunion, dire venez avec votre autre banquier, venez avec votre expert comptable, venez avec votre associé, venez avec la ville de Lille si vous avez de la subvention. Enfin, on est beaucoup plus malin quand on est réunis dans une pièce, ça fait gagner du temps à tout le monde, on est plus efficace. Tiens, banquier de la Banque Populaire, il a posé une super question que je ne me serais peut-être pas posée, puis ça permet d'enrichir. Donc le collectif, c'est une évidence. Ça, je l'oppose moi à l'individualisme qui, de toute façon, on voit où ça nous mène aujourd'hui, c'est pas terrible. Donc soyons collectifs. Laura Jane, tu vois. J'ai un truc que j'ai oublié de dire, mais qui est perso, mais qui a tout son sens, c'est que j'habite dans un habitat partagé. Et que, en fait, c'est incroyable, déjà, c'est génial. Si vous posez la question, allez-y. Et qu'en fait, en vivant, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ce que c'est qu'un habitat partagé, mais donc en gros, on mutualise un certain nombre d'espaces, d'outils, de plein de choses. Julien va d'ailleurs dormir dans notre chambre d'amis partagée ce soir, qui est une chambre d'amis partagée, donc qui est vraiment comme un espèce de studio à part. On a un garage partagé, enfin, en gros, il y a énormément de choses mutualisées. Et c'est vrai qu'on se rend compte de l'absurdité, sans critiquer les personnes en maison individuelle, il y en a forcément dans la salle, mais en tout cas, j'espère que le monde va aller vers ça. Et on est allé même à Amsterdam visiter un autre habitat partagé là-bas. C'est beaucoup plus développé dans les pays du Nord. Et moi, j'espère que ça va se développer, mais beaucoup plus en France. Donc voilà, c'est un super, c'est génial. Et on n'a rien contre les personnes qui vivent dans des maisons individuelles, n'est-ce pas, Marie? Tout va bien, il n'y a pas de problème. C'est un appartement. Changeons de sujet. Je me posais la question des 2030 glorieuses. Je vais vous faire une confession. En ce moment, c'est un peu la merde, hein, quand on ouvre son ordinateur, la radio, les actus. J'ai l'impression, à chaque fois que je fais ces interviews en live, de dire ça. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est pire. Et pourtant, je me sens pas moins bien. Je me sens pas triste sur le long cours. Oui, ça me heurte, ça me choque, ça me met en colère, ça me révolte, ça me révulse, tout ce que vous voulez. Mais ça ne vient pas affecter mon humeur plus au long cours, parce que j'ai l'impression, et du coup c'est la question que j'ai pour vous derrière, que ma relation à l'utopie, aux 2030 glorieuses, arrive à me faire garder ce cap et à voir que la souffrance du monde, elle a potentiellement une fin, elle a potentiellement la possibilité d'être balayée d'un revers de la main, parce que dans les 2030 glorieuses, il y a plein de gens qui parlent de cet après-guerre, cet après-conflit, cet après-violence, cet après. Il y en a plein des solutions qui sont là. Est-ce que vous, ça va? Et est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé à utiliser l'utopie, pas forcément appelée comme les 2030 glorieuses, d'une manière positive, en tout cas pour avoir un impact positif sur votre vie? Moi, je veux bien, j'ai un truc à dire là-dessus. Moi, j'ai beaucoup trop consommé les réseaux sociaux, je dirais entre mars et juin. Et j'ai fini vraiment pas très bien. La période des législatives, c'est ça? Ouais, alors en plus, c'était même avant les législatives et le petit coup de maître de Macron, je ne dirais rien. On a dit qu'on était positif, mais avant les législatives et notamment en fait le conflit à Gaza, et je me suis retrouvée à avoir un nombre de bébés morts genre juste absolument pas possible. Et en toute sincérité, j'ai fini vraiment pas très bien. Ça me heurtait, mais à un point. Enfin, moi en plus, je venais d'être mère, donc c'était vraiment une brillante idée de faire ça. Et en fait, j'ai vraiment coupé Instagram, parce que je fais régulièrement d'habitude. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. Et je pense que le fait d'être mère en même temps, de voir cette atrocité, m'a fait prendre conscience que... Parce que moi, je suis facilement en colère, je suis facilement révoltée. Et je comprends la colère des jeunes et la colère des gens, en fait, de manière générale. Je m'y connecte très facilement. Et en même temps... Je la questionne vachement et de plus en plus. La colère, je crois que dans certaines situations, elle est absolument nécessaire. Ça fait basculer des situations et ça rend, par la force, mais audible quand même des sujets. Et en même temps, je pense que là, c'est la maternité qui rentre en ligne de mire. Ça construit pas. Enfin, assez peu en tout cas. Et du coup, moi, je sais que je suis dans un grand questionnement sur « Ok, c'est génial, mais qu'est-ce qu'on va construire ? Et est-ce que la colère, ça ne détruit pas plus qu'autre chose ? Donc, c'est quoi l'après ? Et je suis en train, justement, de me dire « Ok, donc face à ce constat de « c'est la merde et c'est de plus en plus fort et visible avec de plus en plus de violence, de colère, de radicalité et que ce que je comprends très bien, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle ?» Et c'est là qu'il y a le projet de média ou d'autres réflexions. Mais donc, voilà. Donc, je crois que l'utopie et les rêves... enfin, se dire comment je peux agir à mon échelle qui est aussi la joie. Il y a un grand sujet, je trouve, dans les milieux militants qui est de cultiver sa joie. Ça peut paraître complètement niais. Franchement, ça l'est absolument pas. Je crois que si on n'est pas dans la joie et qu'on n'arrive pas à se connecter à sa joie et à son plaisir dans un contexte aussi hardcore, en fait, on va réussir à rien si ce n'est à avoir tous envie de se pendre collectivement, ce qui peut être un projet. Mais voilà. Ouais, en plus, on se coupe de l'énergie infinie qu'est la joie et qui, en plus, est là, en l'occurrence, contagieuse. C'est... Ouais. Et une fois de plus, enfin, pardon, mais moi c'est mon prisme actuel, les enfants en fait faut aussi penser, enfin, c'est-à-dire que nous on a un regard d'adulte en fait quand on pose aux jeunes, aux enfants etc, putain ils arrivent dans un monde, c'est notre rôle d'adulte à un moment donné aussi de leur donner envie d'être sur Terre, de leur donner de l'espoir etc, donc ça c'est un truc qui m'anime particulièrement en ce moment. Voilà. Marie. Alors moi je vais peut-être en choquer certains, mais c'est pas grave, je dirai la vérité, je me coupe et c'est tout. En fait, j'ai choisi... En fait, je me connais, je sais que je suis très sensible à tout ça. Et d'ailleurs, pour rien te cacher, rien que le fait de t'entendre parler, ça m'angoisse. Du coup... Non, mais c'est pas... Tu peux parler autant que tu veux, il n'y a pas de problème. Je comprends. Non, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que, en fait, j'ai choisi de me couper de tout ça. Donc, on parlait des réseaux sociaux. Moi, j'avoue, je ne consomme pas trop de contenu. Par contre, j'écris. Et je m'abonne à uniquement des comptes qui me font du bien. Et même s'il y a des comptes militants absolument incroyables et qui vont dans le bon sens, ils racontent tellement de choses horribles que je me coupe. Je me coupe. En fait, je sais qu'il y a la guerre, je sais qu'il y a des enfants morts, je sais que c'est la merde en politique. Mais en fait, les gens qui racontent de la merde, mais je les écoute pas. En fait, le Macron, là, je l'écoute pas, j'écoute rien du tout. Il y a juste, pendant les périodes électorales, où je lis les programmes, j'écoute 2-3 trucs, et comme ça, je vais voter au bon endroit, mais de toute façon, je vote toujours pareil. Donc, c'est réglé. Et en fait, je me coupe, pourquoi ? Parce que, justement, on parlait de joie et de cultiver sa joie. Et finalement, j'ai fait le choix, peut-être un peu égoïste, mais en fait, le choix aussi pour vous, c'est que si je me protège pas, alors ma joie, je peux pas la partager. Si je suis angoissée, je vais arrêter de travailler et ça va me couler. Donc en me connaissant, je me suis dit, je me protège de tout ça, je sais ce qui se passe, je sais ce que j'ai à faire, je suis hyper focus, je veux des arbres dans les cours de récré, je veux des arbres dans les cours de récré, je veux de la forêt, je veux de la nature, je veux du sauvage, je veux des enfants qui sachent qui ils sont, qui aillent cultiver leur nature profonde, et c'est comme ça que je vais changer le monde, je reste focus là-dessus, et du coup... Pour moi, il y a la pollution, bien sûr, le bilan carbone, etc. Mais il y a aussi la pollution en termes de politique, d'ambiance et d'énergie. Et du coup, je ne vais pas du tout dire que je fais comme si tout allait bien. Je fais les choses en conscience, mais je n'ai pas besoin de savoir aujourd'hui combien de bébés ont été morts, parce que sinon, ça va me bloquer. Donc, Julien, je vais bien. Je vais bien. Et moi aussi, j'ai vécu des trucs perso très difficile. Je vis des choses en ce moment qui sont très difficiles dans ma vie perso. Mais comme tu l'as dit, on part souvent de ces traumas pour aller vers la lumière. Si je cherche à rendre la place à l'enfant, c'est parce que je l'ai profondément pas eu quand j'étais petite. Je me sers de ça et je vais de l'avant. Et je vous souhaite à tous de faire pareil. Allez, fais-nous rire. En tout cas, ton énergie ne se ressent pas du tout, hein, Marie. Vraiment, c'est pas du tout une énergie positive contagieuse. Merci. À défaut de te faire rire, je vais te redonner un petit peu de baume au cœur. Tu parles de cours végétalisés. Il y a la ville de Lille qui a fait un très gros prêt à la nef pour casser le béton dans les cours de récréation et remettre plein de végétation. Donc, il y a encore du boulot, c'est sûr. Allez, là. Mais tu parles d'utopie. Moi, ça me renvoie à deux mots, c'est espoir et vision. Tu vois, l'utopie, c'est avoir une vision et toujours garder l'espoir. Moi, j'ai la chance d'être tombée dans le chaudron d'Astérix et Obélix quand j'étais petite. Alors, pas la potion magique, mais la potion du bonheur. On m'appelle Alice au pays des merveilles, mais c'est parce que c'est comme ça que je vis ma vie. J'ai un boulot que j'adore, je rencontre que des gens qui veulent changer le monde, qui me font évoluer. Depuis 11 ans que je bosse à la nef, je suis devenue cigalière, je suis devenue amapienne, je me suis investie dans la vie associative. Et c'est quand tu te confrontes aux gens, enfin c'est comme ça que je trouve mon bonheur, moi donc ça va. C'est l'utopie du collectif au quotidien. Alors l'utopie du collectif au quotidien, je suis aussi fort centrée sur ma famille, je suis maman de 3 enfants. Je dis toujours à mes enfants, le bonheur il vous appartient à vous. Enfin, il n'y a que soi-même, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, mais on est maître de son bonheur je pense. Donc certes l'actualité est morose, mais tant qu'on garde l'espoir, moi j'ai toujours espoir qu'on arrivera à faire changer les choses et qu'on ira vers un mieux. Donc, je suis super heureuse. Ce qui est super en tout cas, et je vous laisse réfléchir à la dernière question que je vais vous poser, à savoir, en quelques mots, comment vous vous projetez en 2030 glorieuse et qui vous êtes en 2030 glorieuse. Maintenant, c'est dans 5 ans. Si jamais on arrête la date des 2030 glorieuses, là, 5-6 ans, mais peut-être que vous pourrez être en 2033, 2034. Je vois les yeux qui se lèvent, ça y est, vous êtes en train de réfléchir. Et ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que je vous écoutais sur cette notion de joie et sur la frontière qu'on laisse perméable ou pas vis-à-vis des mauvaises nouvelles du quotidien. Ça me fait, et c'était l'envie que j'avais pour vous laisser encore un peu de temps pour réfléchir, de vous partager cette expérience un peu folle. J'ai un jour participé à un stage Vipassana, peut-être que vous en avez entendu parler, 10 jours en silence. À l'époque, je travaillais aux Philippines, dans les bidonvilles, confronté à des sujets hyper violents tous les jours. Et je m'étais dit, tiens, ça va peut-être me faire du bien. En plus, avec le boucan, les bidonvilles, les odeurs, les machins. Bref, c'était vachement bien de vivre cette vie, 10 vies en une année. Et à la fois, 10 jours en silence, c'était pas mal aussi. C'était pas mal aussi. Et à un moment, il y a des enseignements tous les soirs par Maître Gwenka et tout, c'est assez marrant, sur une sorte de cassette VHS qui a été enregistrée. Enfin, c'est vraiment marrant. Et Gwenka, il dit, je vous partage cette histoire de Bouddha. Bouddha, il est assis au pied de son arbre, il reçoit des visiteurs, et il y en a un qui lui amène une cagette de fruits, mais en fait, avec le chemin qu'il a fait, des semaines et des semaines, ces fruits sont pourris. Et du coup, Bouddha lui dit, mais je peux pas accepter tes fruits, ils sont pourris, moi, les odeurs et puis les bêtes, tout ça, ça m'intéresse pas. Le mec est furax, il dit, mais attends, Bouddha, ça fait des semaines et des semaines que je me trimballe mes fruits pour te les donner, tu vas accepter mes fruits. Bouddha refuse, et le mec part furax. Et le lendemain, il revient en disant, mais je me suis calmé, j'ai besoin de comprendre. Et en fait, Bouddha, il dit, mais en fait, si toi, tu es une personne à part entière, il faut que tu décides et que tu reconnaisses que je suis une personne à part entière et que c'est à moi de laisser rentrer dans ma vie ce qui m'intéresse ou pas et ce qui peut potentiellement ou pas me faire du bien. Et depuis que j'ai eu ce témoignage avec l'expérience de la cagette de fruits, ça me parle vachement, ou de temps en temps. En général, j'arrive pas à faire comme Bouddha et dire, attends, ta cagette, tu la gardes. En général, je la reçois, la cagette, et puis ça fulmine et ça rumine. Et au bout d'un moment, je me dis, mais pourquoi j'ai pris la cagette? Et bon, il est jamais trop tard pour la repousser, cette cagette. Et c'est un témoignage que je voulais vous faire. Ça vous a permis de réfléchir un peu? Au hasard, dans l'ordre aléatoire qui sera le vôtre, en 2 minutes, vous vivez quoi en 2030? C'est pas l'obligation d'avoir une vision très exhaustive, mais on terminera avec ça. Donnez-nous un aperçu de vos 2030 glorieuses. Et ma question, c'est est-ce que ça a évolué aussi un peu ou pas avec le temps? Je commencerai par... J'avais un petit peu préparé cette intervention, et j'adore une phrase de Mark Twain qui dit toujours... On ne leur avait pas dit que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Et donc, en 2030, la nef sera la banque de tous les gens ici. Tu vois, genre, il y aura tout le monde, enfin, ça sera la banque de référence. Les gens, quand ils feront attention à leur mobilité, il y a 4 axes, en fait, pour se changer un petit peu dans la transition environnementale et citoyenne. Il y a la mobilité. Il y a la consommation, il y a le vote et il y a l'argent. Donc forcément, il y en a qui sont déjà bien déployés, les consommateurs, tu fais attention, les circuits courts, etc. Mais en 2030, eh bien, la nef sera vraiment... Surtout que l'argent, ça chapeaute un peu tout ça, ça influence un peu tout le reste, en fait. Pas forcément, ça peut être décorrélé. Hein. Il y avait un moment un slogan qui disait « Pourquoi manger bio et épargner idiot ?» par exemple. Ah ouais. Tu vois, ça peut être complètement décorrélé parce que les gens n'ont pas conscience de ça. Donc en 2030 glorieuse, le nouveau slogan de la nef, c'est « T'es pas à la nef, toi ?» Voilà, ça sera comment c'est possible. Ouais. Je veux dire, quelqu'un qui placera son argent, d'office, il aura en tête la première question, mais qu'est-ce que la banque va faire avec l'argent que je lui confie ? Certes, c'est un projet de vie pour épargner pour un projet, pour épargner pour l'avenir, la retraite, pour payer mes impôts dans 3-4 mois, mais finalement, quand je mets cet argent dans la banque, ce geste que je fais, il faudra forcément qu'il soit accompagné par cette question. L'ANEF, d'ailleurs, qui est en 2030 glorieuse, a lancé le label 99% pour la planète. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, à l'époque, en 2024, il y avait le label 1% pour la planète. C'est vrai. Et 99% pour le capitalisme. Du coup, c'est complètement con. Et donc, du coup, l'ANEF a décidé de renverser le truc en disant c'est 99% pour la planète. Exactement. Super idée. Très bien dit. Merci, Julien. Merci, Alice. Marie, tu veux réfléchir encore un petit peu ? Mais c'était trop bien. Et du coup, j'ai pas réfléchi à moi. J'ai t'écouté. Ouais, vas-y, parle. Bon, ouais, Jeanne, allez. Je sais pas si j'ai beaucoup plus réfléchi, mais je vais faire une intro. C'est pas une compétition. Oh non. Alors, en 2030, c'est dans relativement peu de temps, mais en même temps, 5 ans, c'est quand même long. À une échelle individuelle, on retourne vivre à Marseille, donc je retourne dans mon pays que j'aime, au soleil. Donc du coup, bah, je serai au soleil, et ça, ce sera génial. Alors, il fera sûrement trop chaud, mais on a dit qu'on positivait. Donc du coup, j'espère Personne avoir une... Personne n'a dit qu'on devait positiver. Ok, ça va. Donc du coup, je me vois dans une maison autonome, avec les copains, le soleil et ma super communauté d'activistes que j'adore, qui est déjà là-bas. J'espère que le média dont je vous ai parlé marchera. Peut-être même qu'il y aura une petite équipe et que, au-delà de mon plaisir perso à travailler là, on arrivera à mieux amener plus de compréhension de soi-même dans l'espace public. Et d'ailleurs, tu as rejoint Coop Média, hein, qui se lançait à l'époque en 2024. Vous faites partie de cette coopérative des médias, exactement, bien sûr. Ouais. Exactement, Coop Média qui cartonne, c'est génial. Tout le monde est abonné. Et à une échelle plus globale, ça peut paraître un peu bizarre ce que je vais dire, mais j'espère qu'il y aura une législation sur le temps de consommation d'écran, où on n'aura pas plus de droit à plus de 2 heures d'écran par jour. Ça me ferait très plaisir et qu'effectivement, il y aura beaucoup plus de collaboratifs d'une manière ou d'une autre, que même les grands groupes se seront mis de plus en plus à des pratiques collaboratives. J'ai l'impression qu'ils commencent, c'est un peu lent parce que c'est des mastodontes, vous connaissez. Mais j'espère que voilà, il y aura plus de pratiques et qu'on réfléchira peut-être plus globalement à la paix et tous les leviers qui peuvent aller vers un monde en paix. Voilà. Il me semble que c'est 2027, hein, le moment où on a décidé que, étant donné la raréfaction des ressources, on est passé à le week-end sans réseaux sociaux. Je crois que c'était l'idée de retourner dans la vraie vie. Et là, en 2030, on se pose la question de savoir si on est en passe week-end à au moins 3 jours. Je crois que c'est ça. Hein. Exactement. Ouais. Exactement. Marie. Bah moi, c'est flou. Mais je pense que c'est parce que c'est flou dans ma vie. En fait, j'avance et j'ai toujours envie de faire des formations école dehors. Et je me rends compte qu'il y a d'autres problématiques, en fait, au-delà de l'école dehors. Il y a bien sûr la place de l'enfant, la place de la femme dans la société. Et du coup, moi, ce que j'espère pour 2025, c'est un monde plus équilibré. Parce que si je parle de 2030, demain, ça y est, je vais déjà avoir envie, comme la dernière fois que j'ai enregistré avec toi. Vas-y. Mon petit escalier, c'est parti. Non, là, en fait, je voudrais juste... ce que je souhaite pour 2030, pour moi et pour le monde, c'est un monde tout simplement plus équilibré entre la place des adultes et la place des enfants, la place du monde, le monde de la ville et le monde de la nature. Et aussi, et bien sûr, entre le monde matériel et le monde spirituel, parce que je pense qu'on manque cruellement de ça dans nos vies, à force de courir partout et d'être, comme disait Pierre Rabhi, dans des boîtes du matin au soir. On oublie d'où on vient, on oublie où on va, et la nature, la spiritualité, la reconnexion à soi-même. Je pense que si déjà on passait tous, ne serait-ce qu'une heure dehors, que ce soit les enfants ou les adultes, le monde serait plus équilibré. Donc moi, je souhaite un rééquilibrage. Voilà. Merci à vous trois. Merci Julien. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous jusqu'au bout. Si vous voulez continuer à explorer les utopies vivantes, je vous invite à vous rendre sur 2030glorieuse.org pour découvrir la galaxie des 2030 glorieuses. Bien sûr, vous pouvez continuer à écouter ce podcast, mais aussi vous procurer mes livres sur le sujet et surtout vous inscrire à un prochain atelier utopiste collectif pour voyager en 2030 glorieuse à côté de chez vous. Salut !